Bienvenue dans le nouvel épisode des Gardiens du Bourlingueur. Cette fois-ci, Cédric, tu es allé en Israël pour quelques concerts. Tu peux nous raconter un petit peu ton séjour, comment s'est passé ton arrivée, par exemple, en Israël À l'arrivée, ça allait. Enfin, j'avais un petit stress parce qu'on m'a prévenu que c'est pas toujours facile de rentrer là-bas, même en tant que touriste, par rapport aux questions qu'on pose, l'inspection des bagages et des choses comme ça. Et bon, l'arrivée s'est relativement bien passée. On m'a questionné pendant un quart d'heure seulement par rapport à mon séjour, ce que j'allais faire là, qui est-ce que je connaissais, comment je les avais connus, etc. Mais en fait, ils m'ont un peu cuisiné parce que j'ai des cachets de la Malaisie et du Maroc dans mon passeport. Et ben, comme ce sont des pays musulmans, d'office, ils posent des questions. Ils veulent savoir ce qu'on a été faire là-bas, pourquoi, qui on a vu, etc. C'est du genre à poser les questions trois fois, avec trois différentes personnes qui prennent note pour savoir si on ne se contredit pas. C'est surtout le retour qui a été plus pénible, où là on m'a interrogé pendant 1 heure et demie en fait. Tiens, ils font ça avec tout le monde ou alors seulement avec les étrangers Non, ils font ça avec beaucoup de gens, c'est pas avec tout le monde, c'est pas qu'avec les étrangers. J'ai vu qu'ils ont fait ça à des juifs, à des non-juifs, des gens de 70 ans comme des jeunes, avec moi comme avec n'importe qui d'autre. Bon, je suppose que j'étais une victime un peu plus facile à choisir, mais ils contrôlent énormément, oui, et les bagages aussi, surtout au départ, quoi, de Tel Aviv vers ailleurs, c'est infernal, quoi. Et dans la vie de tous les jours, comme ça aussi, les gens, enfin les autorités, sont un peu plus embêtantes avec les étrangers, ou alors est-ce Non, que non, ça non. va? Ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des inspecteurs partout. Ça, c'est assez. J'avais jamais vu ça nulle part, même aux États-Unis ou à Singapour, qui sont quand même des pays super sécurisés, comme la France. En fait, à l'entrée de chaque marché et à la sortie de chaque marché, il y a quelqu'un qui fouille les sacs des gens, dans les supermarchés, les magasins aussi. Dans les complexes aussi de magasins et dans les bus régulièrement. On arrête les bus ou à l'arrêt de bus, il y a un inspecteur qui vient tout fouiller. Pas les sacs des gens, mais qui regarde s'il n'y a pas un sac abandonné ou des choses comme ça. Ils sont vraiment parano à mort en fait. Enfin, il y a quoi je suppose, hein, mais. Comment tu t'organises en arrivant sur place? Tu as un hôtel ou à part tes haltères? Une fois les autorités passées, ça va, il y avait un des organisateurs du concert qui m'attendait. T'es un type assez extraordinaire en fait. On a pris le train ensemble, on est allé chez lui et j'étais accueilli par sa compagne et d'autres amis à lui. Et là, une fois qu'on y est, tout se passe bien en fait. Les gens sont super accueillants, quelle que soit leur origine. Même si le gros de la scène, Nevan là-bas, est d'origine russe, il y a d'autres personnes originaires du coin, du Moyen-Orient, arabes, etc. Et franchement, ils sont tous super fantastiques, quoi. En parlant de culture underground, qu'est-ce qu'il y a comme culture underground? Pour ce que j'ai vu, bon, il y a des punks, mais ça, il y en a vu depuis super longtemps là-bas. Il y a pas mal de gens de la scène techno, de la scène métal. Il y a une grosse, grosse scène métal, en fait, en Israël, entre autres. Il n'y a pas que là, au Moyen-Orient. Il y a une scène assez importante dans certains pays du coin aussi, dans les pays arabes, au niveau du métal. Au niveau de la drum and bass, de l'électro, ça commence pas mal aussi. Enfin, ça commence, peut-être même que c'est là depuis assez longtemps. Et au niveau du dark folk, de l'industriel, du noise, il y a une scène assez importante pour un tel pays, depuis très longtemps. C'est le seul pays du coin à avoir une scène comme ça avec le Liban, je dirais, quoi. Même si la scène est plus petite au Liban. Pour ça, et peut-être un peu plus importante pour la techno et le breakcore au Liban, je sais pas trop, mais. Est-ce que c'est facile de jouer là-bas, au point de vue du public, de l'organisation? Les endroits, comment ils les trouvent? Ben, c'est assez facile parce qu'une fois de plus, comme dans la plupart des pays, que ce soit asiatiques, moyen-orientaux ou peut-être dans une moindre mesure africains, comme la scène est plus petite qu'ailleurs, comme c'est plus difficile au niveau parfois de certains régimes politiques, pas en Israël, mais bon. D'organiser des choses, la scène se tient beaucoup plus en fait. Et c'est clandestin ou alors à ciel ouvert? Non, non, c'est déclaré. On a fait. Il y avait un concert à Jérusalem dans un bar qui produit en fait des groupes en CDR de musique expérimentale, contemporaine et autres, et qui organise régulièrement des événements comme ça, mais c'est un tout petit bar, quoi, qui résiste contre le mal extrémiste religieux, on va dire, de Jérusalem. Et puis à Tel Aviv, il y a eu un concert dans un bar très branchouille, blablabla. Donc c'est un peu. On joue vite vite et on nous fout vite à la porte parce que après il y a encore d'autres gens qui doivent passer, faut fournir du fric. Et puis il y a un autre, c'est ce qu'ils appellent une free party, c'est ils louent un garage automobile. Je suppose que c'est légal. En tout cas, ils paient le proprio et ils ont les clés des grillages et tout. Ils ouvrent et il y a une grosse. Enfin, il y a une sono et puis hop, c'était parti. Soirée drum and bass, hip-hop, breakcore. Il y avait vraiment pas mal de monde pour le coin. À mon avis, il y avait 100, 150 personnes, la plupart des Israéliens, en tout cas, quoi. Pour ce qui est du public, justement, quelle en est la moyenne d'âge? Est-ce que tu sens une émergence pour la scène alternative en Israël d'une manière générale? Oui, mais ça dépend quelle scène. Tout ce qui était drum and bass, par exemple, comme un peu partout ailleurs, à mon avis, une bonne partie du public avait quand même la vingtaine et moins la trentaine. Alors que pour tous les concerts noise qu'on a fait ailleurs ou industriels, il y avait des gens jeunes, mais c'était plutôt des gens de la trentaine, enfin de ma génération, voire plus. Enfin, il y en avait qui avaient la quarantaine bien tapante, quoi. Israël, c'est un contexte particulier par rapport à ça. Hein. C'est quand même un pays de migrants, qui est relativement international. T'as des gens de partout dans le monde, du coup, t'as en partie un public averti, contrairement à certains autres pays du coin, en fait. Et justement, donc tu nous parlais des free parties, des cafés qui organisent donc des concerts. On sait tous ce qui se passe là-bas, la violence un peu au quotidien, les attentats terroristes et compagnie. Les gens s'y rendent sans trop d'appréhension. La violence, ils ne la craignent pas quand ils vont par exemple dans ces free parties où ils ouvrent des grillages comme ça un peu à sauvage. Ah, c'est pas à la sauvage, ils avaient des Non, mais clés. ouais. Non, non, et franchement, pour moi, il n'y a aucun risque. Les risques qu'on puisse encourir, c'est plutôt dans des lieux publics, C'est des centres commerciaux, voilà, etc., ou oui. des marchés, ou bien dans des lieux hyper touristiques. Mais ça valable partout. Si on va en Égypte, s'il y a un attentat, c'est jamais dans un petit club pourri au milieu de nulle part. Ça, un club hyper touristique, de préférence bourré d'Américains, de toute façon, comme il y a eu à Bali aussi, quoi. C'est toujours dans des lieux comme ça que se passent des attentats, pas dans des petits clubs qui attirent quoi, entre 20 et 200 personnes. Enfin, il n'y a aucun intérêt à aller faire sauter un truc pareil, quoi. Ça n'aurait aucune portée. Est-ce une question d'habitude, peut-être aussi, eux, ils vivent ça tout le temps. Oui, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, ça me faisait un peu rire, mais je ne devrais pas. Bah, prendre le bus, il disait, ouais, t'as un mini risque, plus de risques ailleurs que dans un tas d'autres pays du monde, où aller au marché, c'est la même chose, mais pour eux, c'est comme une grêle qui tombe un jour, quoi, ça arrive, et un jour, ça n'arrive pas, et tu sais pas sur qui ça tombe, et puis voilà, depuis qu'ils sont là, pour ceux qui sont nés là-bas, depuis qu'ils sont nés là-bas, ils vivent avec ça, c'est au quotidien, donc ça sert à rien de se miner la santé et le moral à penser sans arrêt à ça, quoi. Bon, Israël, c'est avant tout un État juif, donc qui a pour but de rassembler les membres juifs dispersés à travers le monde. En plus, dans ce contexte de guerre israélo-arabe permanente, quelle est la perception de la langue? Enfin, comment perçoit-on la langue arabe? Est-ce qu'elle reçoit un traitement favorable? Oui, en fait, la langue arabe est la deuxième langue du pays. Donc, tout est écrit en hébreu et en arabe au niveau de l'administration, des panneaux routiers, etc. C'est une langue qui n'est pas du tout dénigrée. Et de toute façon, vu qu'Israël a été quand même créé sur un territoire à la base arabe, il est évident qu'il y a toujours un tas d'Arabes qui vivent là-bas, qui parlent leur langue. Donc, la langue arabe est respectée, je trouve ça très bien. Ok, et mais quand tu vas justement faire des concerts comme ça, est-ce qu'il y a beaucoup, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas que des Palestiniens, donc en Palestine, il y a aussi des Arabes en Israël, comme tu viens de le dire. C'est quoi la population de tes concerts? C'est uniquement israélienne ou aussi des Arabes qui peuvent venir, enfin qui viennent Mais en fait, bon, c'est principalement israélien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Arabes qui peuvent aller facilement en Israël à part les Jordaniens, partiellement les Égyptiens. Mais il y a des habitants. Oui, ils sont arabes, mais ils sont israéliens de toute façon, dans tous les cas. Mais je dirais que la majorité, une fois de plus, pour cette scène particulière, hein, je dis pas que c'est pour tout, mais en tout cas pour tout ce qui est électronique, que ce soit la drum and bass ou du noise ou de l'industriel, ou même le gothique, vraisemblablement le punk, c'est quand même majoritairement des Israéliens d'origine occidentale, je dirais russe beaucoup, mais malgré tout, il y avait des Arabes, enfin des gens d'origine arabe ou moyen-oriental en tout cas, aussi dans le public. C'est moins de gens, mais aussi bien des filles que des garçons, j'en ai vu. Et ça me faisait plaisir, c'était chouette de voir un type qui a un look punk et qui est arabe, ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça super. Quoi. Ah oui, c'est magnifique. Quand on discute avec les jeunes Israéliens, on constate généralement un sentiment, enfin un certain désappointement. Est-ce que tu as constaté ce sentiment avec les jeunes petit à petit? Non, c'est pas le sentiment que j'ai eu, c'est plus parfois un ras-le-bol des barrières des autorités, de part et d'autre en fait, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien ou ce qu'on veut d'autre en fait. J'ai les ordinateurs qui m'ont fait jouer, essaient de faire venir jouer un ami égyptien là-bas. En théorie on peut, y a pas trop de tension avec l'Égypte. Mais jusqu'à présent, il y a une barrière autoritaire, vraisemblablement venant d'Israël cette fois-ci. C'est très compliqué au niveau administratif. Ou par exemple, ils ont joué à Amsterdam dans un festival dans lequel il y avait aussi des musiciens expérimentaux turcs et libanais, mais qui ne jouaient pas le même jour parce que c'était impossible pour eux de jouer le même jour. Si le Liban avait appris qu'ils avaient joué avec des Israéliens, ils auraient pu avoir beaucoup de problèmes. Et mes amis israéliens leur avaient donné des CD, et ils ont dû les refuser en précisant que à la frontière libanaise, ils allaient se faire contrôler. Si on les chopait avec des CD israéliens, ils allaient avoir des problèmes, on allait jeter les CD. Donc les jeunes, par rapport à ça, sont, je dirais pas qu'ils sont déçus, ils essaient de se battre, ils essaient de créer des ouvertures, mais c'est très dur au niveau de l'autorité, et je vois qu'il y en a qui en veulent. Enfin, il y a cette barrière, quoi. C'est très dur à franchir, en fait, parce que les autorités là-bas, c'est pas les mêmes qu'ici, je dirais. Donc, faire passer illégalement quelqu'un, c'est en général une très mauvaise idée. Les Arabes en plein Israël. Je ne sais pas exactement. C'est difficile à dire. Ça dépend à quel niveau, en fait. Moi, j'ai déjà vu une fois, enfin pas quand j'étais sur place, une tenancière d'un bar qui organise des expositions. Elle est israélienne, elle vit à Tel Aviv, et elle avait fait venir un peintre revendicateur homosexuel palestinien exposé en plein centre de Tel Aviv. Donc il y a des gens qui se bougent vraiment, et je trouve ça admirable, parce que d'un côté comme de l'autre, ce type peut se faire détester aussi bien par les Palestiniens parce qu'il est homosexuel, et en plus parce qu'il a exposé à Tel Aviv, aussi bien par les orthodoxes juifs qui peuvent pas non plus saquer les Israéliens. Et en ça, il y a une certaine unité que j'apprécie pas du tout. C'est que lorsque on était à Jérusalem, on a vu plein d'affiches dans les rues qui appelaient à l'unité orthodoxe juive, musulmane et chrétienne, contre l'homosexualité, contre la gay pride. Il y a eu des violences dans les rues contre les homosexuels. Enfin, il y a des types qui ont bouté le feu, etc. Donc, c'est un pays plein de paradoxes, en fait. Il y a plein de désunités, il y a plein d'unités, pour des prétextes parfois que je trouve vraiment bidons. Mais je pense qu'au niveau de l'art, en tout cas, il y a une certaine entraide et une unité. Par contre, au niveau de la vie de tous les jours, oui, il y a des clivages au niveau arabe-israélien et autres personnes israéliennes. Ça, c'est évident. Je vais pas dire qu'il y a des ghettos, mais il y a des coins où tu vas plus trouver des Arabes que des Israéliens. C'est en général des coins plus pauvres. Disons, il y a aussi en Israël, enfin, il est reconstitué donc avec beaucoup de rues, enfin, toutes les populations juives à travers le monde, donc avec des langues déjà à la base différentes. Est-ce que c'est pas aussi un peu pour ça qu'on retrouve ce clivage, ces ghettos? J'en suis pas sûr. Déjà entre eux, je vais dire, est-ce que les Russes arrivent à créer ce sentiment d'unité alors qu'ils sont constitués de nationalités différentes? Il y a une unité, mais c'est assez particulier et elle fonctionne pas à 100%. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a au sein de cette population juive, il y a beaucoup d'Européens, donc comme tu dis, d'Arméniens, etc., des Roumains aussi, Des Russes, bien sûr. Mais ça, c'est à part, j'y reviendrai après. Mais aussi pas mal de Sud-Américains. Ça, on ne le sait pas toujours, en fait. Il y a évidemment aussi des Juifs iraniens, beaucoup d'Iraniens qui ont quitté l'Iran pour partir en Israël. Leur unité, c'est l'hébreu, en fait. L'hébreu est la langue unitaire, l'hébreu est la langue unique, et tous parlent hébreu, mais il y a deux exceptions. Il y a les Arabes qui ont gardé leur langue, ce qui est justifiable, et les Russes aussi, et ça a posé problème lors de la migration, parce qu'il y a environ 1 million de Russes, depuis 89 ou 91, je sais plus, qui ont émigré, et c'est la seule communauté qui a gardé sa langue, qui écrit encore dans sa langue, qui publie dans sa langue. Et il y a un parti politique russe, il y a des publications russes. Et au départ, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ça se passait pas toujours très bien, c'était pas très bien accepté. Donc je dirais qu'il y a d'une part l'unité juive avec tous ces gens d'un peu partout, sauf les Russes qui sembleraient être un tout petit peu à part, mais qui restent quand même juifs, puis les Arabes qui sont un peu à part, même s'il y a des juifs arabes, mais je sais pas vraiment t'en dire plus, hein. Pour moi il aurait fallu que je reste plus longtemps, 2 semaines c'est pas suffisant pour analyser tout ça, quoi. Eh bien merci Cédric.